Salut à tous. À quand une émission sur Sega et ses mascottes? Merci et longue vie à Blockbuster. Oui, je voudrais savoir comment on fait pour avoir la nationalité Blockbuster. Parce que s'il faut connaître tout de ce pays, je pense que je peux le faire. Je peux le faire. Voilà, je veux bien passer les tests. Je veux en faire partie. Je veux y vivre nuit et jour et pas que l'été. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour Blockbuster. Alors, j'ai pas du tout suivi ce qu'il y a à y avoir aujourd'hui. Je suis désolé, je suis parti en vacances. Et là, mon cerveau est un peu décalé. Mais bon, voilà, je souhaite de passer un bon été en bossant quand même. Et moi, je vais me presser à la piscine. Allez, des bisous. Oui, salut Frédéric. Donc, c'est juste pour dire que je note ton spectacle. J'ai enchaîné avec le podcast sur les inconnus. Donc, j'ai passé une bonne soirée. Merci à toi. Toby, not to be. Salut Blockbuster, c'est Jeanne. Alors par rapport à l'émission de vendredi sur les inconnus, trop super comme d'hab. Et juste une petite recommandation pour les jeunes générations d'humoristes qui travaillent beaucoup les personnages sur Instagram. Il y en a deux qui sont trop super, sûrement d'autres, mais en tout cas moi je suis ces deux-là. C'est Lison Daniel avec les caractères, vraiment une écriture de perso de ouf. Et aussi Anaïd Rosam qui me font bien marrer régulièrement. Voilà, salut. To be or not to be, not to be. Je ne devrais pas le dire, mais des fois, je me demande pourquoi j'écoute encore les matinales radio. C'est le premier truc que j'entends quand mon réveil sonne. C'est ce qui va donner le « là » de ma journée. Et en général, c'est une litanie de mauvaises nouvelles, de catastrophes écologiques, économiques ou sanitaires sur lesquelles je n'ai strictement aucun pouvoir. Grosso modo, chaque journée de ma vie d'adulte commence par une petite voix qui susurre à mon oreille « Frédéric, c'est la merde, les gens souffrent, t'y peux rien et demain, ça sera pire ». Mais pourquoi je m'inflige ça au fond? Et surtout, pourquoi j'y reviens? Un collègue de travail me balancerait le quart de ce que les JT nous balancent, mais il passerait assurément sa vie tout seul à une table de la cantine de Radio France. Pourtant, sous prétexte de m'informer, j'accepte chaque matin de plonger ma tête dans le seau à purin des vicissitudes du monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de fascination malsaine dans ce monde occidental hyper-connecté, à savoir qu'à 5 secondes, il y a sur cette terre des gens qui galèrent encore plus que soi? Comme une manière de se rassurer sur son niveau de confort et de s'assurer que l'on n'ira jamais vérifier par soi-même ce qui se passe en dehors de sa caverne. Est-ce qu'au fond, on ne ferait pas tous des gros flippés? Selon une étude, la peur du déclassement arriverait en tête des peurs du peuple français. Et est-ce que ce n'est pas cette fragilité, cette précarité permanente de sa propre existence que l'on cherche à conjurer en écoutant chaque jour la météo des menaces mondiales? Est-ce que dans cette paranoïa sans cesse alimentée, on ne serait pas tous convaincus qu'il y aurait autour de nous, à une encablure de notre monde tangible, comme l'a si bien écrit l'écrivain Howard Phillips Lovecraft, un univers où nous ne sommes pas le centre du monde, une dimension qui ne nous voudrait pas du bien? France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Les personnes qui pouvaient s'intéresser un petit peu à moi ou mon histoire, la première chose qu'ils me demandaient, c'est quoi ce prénom Riyad et Satouf? Qu'est-ce que c'est? On savait pas tout de suite que Riyad Satouf, c'était un nom arabe. Et donc, alors quand je disais que j'étais syrien, personne ne savait où le placer sur une carte. C'était inexistant. Donc un jour, j'ai des copains un petit peu plus intello et cultivés que les autres qui m'ont posé cette question. Je leur ai dit que j'étais syrien et là, tout de suite, ils ont fait référence un personnage inventé par Howard Philip Lovecraft qui s'appelle Abdul Al-Hazad, qui est un écrivain mythique inventé par Lovecraft qui aurait écrit le Necronomicon, qui est un livre maudit. Et c'était un arabe dément qui a écrit le Necronomicon, donc à Damas. Et donc, il savait ce qu'était la Syrie, il savait... et de savoir, de lire dans leurs yeux à quel point ils étaient impressionnés que je sois déjà allé à Damas, que j'ai vécu en Syrie, j'étais soudain nimbé d'une aura de mystère total. Et donc je suis entré comme ça dans le monde des livres de grands à travers cette porte, la porte d'Abdul Al-Hazred. Au regard des valeurs et des grands combats progressistes du 21e siècle, il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'affirmer tranquillement qu'Howard Phillips Lovecraft était un type bien. Misanthrope pour certains, xénophobe et pessimiste sur la nature humaine, cynique et irrémédiablement marqué par la maladie de ses proches, qu'elle soit physique ou mentale, cet écrivain américain, né en 1937, qui n'a jamais connu de succès de son vivant, est pourtant devenu l'un des auteurs horrifiques les plus influents du XXe siècle. Stephen King, George R. Martin, John Carpenter, Clive Barker, Guillermo del Toro, Riyad Sattouf ou encore Michel Houellebecq, nombreux sont ceux qui revendiquent avoir été profondément influencés par l'œuvre de l'auteur de Providence, la ville où il a vécu et repose aujourd'hui. Pour tenter de comprendre qui était cet auteur singulier qui a tant rayonné sur la culture populaire contemporaine, j'ai à mes côtés Alex Nikolavitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, auteur d'une bande dessinée sur la vie de Lovecraft intitulée Howard P. Lovecraft, celui qui écrivait dans les ténèbres, paru aux éditions 21 grammes. Et vous êtes aussi essayiste spécialisé dans la pop culture. Tout à fait. Avec nous également, et en chair et en os, la dernière fois on l'avait qu'au téléphone, Patrice Minet, bonjour. Bonjour. Vous êtes traducteur et spécialiste de l'œuvre de Robert E. Howard, le papa de Conan le Barbare, de Conan plutôt. Et vous avez soutenu une thèse sur Howard l'année dernière et vous enseignez un module fantasy à Sciences Po. C'est ça. Avec nous également, François Barranger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes illustrateur et écrivain et vous avez récemment sorti un ouvrage magnifique, Des montagnes hallucinées, illustré de Lovecraft, édité chez Bragelonne, et votre troisième roman, T'épuis, est paru aux éditions Critiques. C'est tout à fait ça. Ensemble, on va revenir sur la vie de Howard Phillips Lovecraft, son environnement familial, les tragédies personnelles qui ont fait de lui l'auteur qu'il est. On parlera bien évidemment de ses publications, de ses thématiques, de ses obsessions, et on tentera de définir ce qu'est le style Lovecraft. On verra enfin tout ce que l'industrie du fantastique, du jeu vidéo et du jeu de rôle de manière générale doivent encore aujourd'hui à Lovecraft. Bref, en résumé, aujourd'hui, dans Blockbuster, on va entrouvrir une fenêtre vers l'antre de la folie. Les adolescents... ne le lisent pas par masochisme, quoi. Bien que ce soit une littérature désespérée, il y a une espèce d'effet euphorisant, réellement. Une espèce de légèreté qui s'installe après une lecture d'un ou deux contes, qui continue à prendre de l'ampleur après lecture de trois ou quatre. Enfin, c'est très curieux. Il y a un effet très curieux. Et je me suis dit que... il y avait vraiment un besoin de choses comme ça qui refusent carrément le monde dès le départ et qui construisent autre chose de complètement désespéré, mais d'un désespoir pur. C'était Michel Houellebecq qui nous parlait de Lovecraft dans la compagnie des auteurs sur France Culture le 6 juin 2016. Alex Nikolavitch, je me tourne vers vous. Qui est véritablement Lovecraft ? Alors, vous parliez de déclassement en début d'émission. C'est quelqu'un qui est né dans la moyenne bourgeoisie de Nouvelle-Angleterre, et puis les revers, divers revers financiers de son grand-père, puis l'internement de son père qui était voyageur de commerce et qui a attrapé la syphilis, font que petit à petit, ça a été une descente dans la relégation sociale, et il a fini sa vie dans la misère la plus crasse. Donc c'était quelqu'un qui était... qui a voulu toujours poser au gentleman, qui a voulu conserver une espèce d'apparence de classe, enfin de sa classe sociale d'origine, tout en étant à vivre de $2 par jour, voire moins. Je crois qu'il y a une époque, il se nourrissait pour 25 cents par jour. Il en était fier parce que ça lui permettait de garder des sous pour les timbres de ses très nombreuses correspondances. Et il a tenté de vivre de sa plume toute sa vie parce qu'il était inapte à tout travail. Il a tenté de travailler à quelques reprises et il s'est vite trouvé inapte à travailler autrement que par l'écrit. Sa mère est partie vivre avec ses sœurs, je crois, et il a été élevé conjointement par sa mère et ses tantes. Ben, il était encore enfant quand sa mère a elle aussi été internée. Elle a fini par craquer et donc il a été élevé par ses tantes et il a vécu toujours... hormis la parenthèse new-yorkaise de 1924 à 1926, où il a vécu en couple avec Sonia Green, qui était une écrivain aussi. Il a toujours vécu avec ses tantes. Un couple un peu hétéroclite, dans le sens où ils se sont quand même pas vus énormément. C'était compliqué, parce qu'elle est venue à New York pour y travailler, donc il l'a suivie. Puis elle est partie à Cleveland, parce qu'il n'y avait plus de travail à New York, et donc il s'est retrouvé seul à Brooklyn, dans un quartier cosmopolite, et lui qui était qui avait le racisme de sa classe sociale, donc la bourgeoisie de Nouvelle-Angleterre blanche anglo-saxonne, s'est retrouvé dans des quartiers très populaires, très cosmopolites, avec des Noirs, des Syriens, etc., des Italiens, et à très mal le vivre. Et c'était un enfant précoce. Aujourd'hui, on le qualifierait d'enfant à haut potentiel. Il était en avance et il a été très peu scolarisé. Ce qui fait que, en termes de sociabilité, Lovecraft enfant, du moins, c'était pas le petit garçon qu'on retrouve entouré en permanence par des tonnes de copains. Bah, il avait petit, il avait des copains. Adolescent, il a fait une grosse dépression, donc il a vécu reclus pendant un an ou deux. Et d'ailleurs, peut-être l'image de reclus de Providence, qui est un peu fausse, vient peut-être de ces périodes-là. Et qui vient particulièrement de Jacques Bergier, je crois, quand il a voulu faire connaître Lovecraft en France, qui a vendu cette image de reclus, devenu complètement fou parce qu'il écrivait, qui croyait vraiment aux récits d'horreur qu'il rédigeait. Alors, Bergier a dit beaucoup de bêtises sur le sujet. Enfin, il y a eu aussi Lovecraft, grand initié, parlant 40 langues, il y a ce genre de choses. C'est une absurdité. Mais comme certains points de la biographie de Houellebecq qu'on a entendu tout à l'heure, qui nous renseigne plus sur ce qu'est devenu Houellebecq que sur Lovecraft lui-même, c'était quelqu'un qui était très sociable, en fait, mais qui a eu des périodes, effectivement, notamment lors de sa dépression, il est resté là, claquemuré chez lui, à lire et à écrire. Et il y a ce côté, cette espèce de mouvement de balancier entre les moments où il est chez lui à écrire et les moments où, au contraire, où il voyage, où il rencontre des gens et beaucoup d'autres écrivains d'ailleurs. Il s'est fait énormément d'amitié dans les milieux littéraires un peu amateurs ou un petit peu borderline, les auteurs de pulps, les poètes un petit peu marginaux, etc. Et initialement, il se destinait à une carrière d'astronome. Oui, mais le fait de ne pas avoir été très scolarisé fait qu'il avait des carences en mathématiques et peut-être assez peu d'appétence pour les mathématiques. Donc il était très ami avec les gens de l'Observatoire de Providence, où il a d'ailleurs eu accès au télescope parce que il s'était fait donc des amitiés là-bas. Mais il est resté sur le plan observationnel et très peu théorique. Patrice Louinet, quel genre d'homme, dans la vie de tous les jours, était Lovecraft? Comment on le perçoit par rapport à la multiple correspondance qu'il a pu laisser? Parce qu'il y a quand même plus de 30 000 lettres écrites, je crois. Alors les chiffres varient suivant les commentateurs. Il y en a qui vont jusqu'à 100 000 lettres. Ça paraît un peu énorme, on va dire. On parlait il y a quelques minutes de l'image du reclus de Providence et de Bergier. Aux États-Unis, c'est Sprague de Camp qui lui aussi a propagé cette idée d'un Lovecraft qui restait en permanence chez lui, qui n'avait pas d'amis. Or, comme le disait Alex il y a aussi quelques secondes, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, il avait énormément d'amis, ses amis ont évolué au fil des ans. À partir des années 30, on le voit voyager en Floride, il va rejoindre Robert Barlow là-bas, il a rencontré Hoffman Price, il a rencontré en fait beaucoup de gens, et c'est quelqu'un qui était au contraire très sociable. Alors, il a effectivement une adolescence où il était beaucoup plus renfermé sur lui-même à Providence. C'était là où on sent qu'il était très très mal. Dans ses premiers textes, on voit très souvent, il est assez facile, en lisant ses textes, de voir une transposition de lui-même. Je pense à « He », en particulier en français, qui s'appelle, je sais pas comment, la nouvelle, bon, peu importe, c'est « The Outsider », qui est je suis d'ailleurs en français. Oui. Donc il y a pas mal de textes où on sent un personnage très seul, ça fait très très Edgar Poe, et progressivement il y a de plus en plus de gens et de personnes dans son entourage et dans sa fiction. Et est-ce que cette image justement qui a été cultivée de reclus, de quelqu'un de psychiquement un petit peu fragile, n'est pas la résultante directe de ce qu'il était capable d'écrire? Parce que comment décrire pour des gens qui n'auraient jamais lu Lovecraft le sentiment qui peut être celui du lecteur quand on découvre une nouvelle de Lovecraft? Voilà une question compliquée. C'est lire pour la première fois Lovecraft, c'est rencontrer un narrateur qui va en fait vous raconter ce qui va lui arriver, ce qui vient de lui arriver, et à la fin on sait que le personnage va mourir dans quelques minutes ou quelques secondes, puisque systématiquement, quasi systématiquement, il y a une créature qui est en train de passer des doigts griffus par la fenêtre. C'est une écriture du désespoir, très sombre, dans lequel le texte devient long, s'allonge, la rationalité commence à disparaître de l'écrit, et au fur et à mesure que le personnage prend conscience que le monde autour de lui, en fait, est quelque chose de totalement différent que l'image qu'il en avait avant le début du récit. Donc ça reste une littérature très sombre dans l'ensemble. Oui, il y a une envie, parce que c'était quelqu'un d'athée, qui n'avait pas un énorme respect pour les religions, quelles qu'elles soient. Et pour lui, il y avait cette envie de replacer l'humanité dans sa juste place par rapport à l'univers, c'est-à-dire rien. Rien du tout. Rien. Et en fait, en préparant cette émission, je me disais que le meilleur sentiment... à distiller aux auditeurs, c'est quand vous êtes en forêt, allongé dans l'herbe, vous regardez un ciel sans nuages et vous voyez cette immensité d'étoiles devant vous et le sentiment qu'on a d'être tellement petit, j'ai l'impression que c'est exactement ça qu'il a voulu transposer dans ses livres. François Barranger, est-ce que vous vous retrouvez dans cette description ? Pleinement, oui, puisque moi, ce qui m'a attiré très tôt chez Lovecraft, c'est justement ce sentiment de réaliser à quel point les hommes sont des fourmis et que le sentiment d'horreur chez Lovecraft naît de ça. C'est-à-dire, il n'est pas franchement des descriptions de monstres parce que finalement il n'a pas tant que ça. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec la notion de Lovecraft écrivain d'horreur. Oui. Parce que c'est pas l'idée que je me fais de l'horreur. Quand je lis les nouvelles de Lovecraft, j'ai pas le sentiment d'avoir de la tripe et du boyau, du gore comme dans les films italiens des années 70. Non, j'ai le sentiment plutôt d'avoir du mystère, une espèce de mystère insondable, et que quand les personnages principaux comprennent vraiment à quel point ils sont insignifiants, prennent conscience de l'immensité de l'univers et des créatures qui peut-être les abritent, c'est là qu'ils peuvent éventuellement basculer dans la folie. C'est ça qui est intéressant. C'est comme s'ils faisaient face à la vérité de l'univers, en fait. Oui, il y a une prise de conscience fatale, presque. C'est vraiment c'est l'effroi au sens astrophysique du terme. C'est-à-dire les gouffres intersidéraux. C'est vrai que quand on s'intéresse un peu à l'astronomie et que quand on est jeune, on commence à découvrir les caractéristiques de l'univers dans son ensemble, les gouffres infranchissables qui existent entre les étoiles, on subit une petite remise en question quand même, quoi. En 1919, Lovecraft fait paraître une nouvelle intitulée « Par-delà le mur du sommeil ». En 1970, Black Sabbath en a fait une chanson et on l'écoute « Behind the Wall of Sleep » de Black Sabbath. C'était Black Sabbath dans Blockbuster sur France Inter. Par une porte ouverte de l'hôtel Gilman, se déversait une énorme foule de silhouettes douteuses. Des lanternes dansaient dans les ténèbres, et d'horribles voix coassantes échangeaient des cris étouffés en un langage qui n'avait rien d'anglais. Ces formes se déplaçaient de manière hésitante, et je compris à mon grand soulagement qu'elles ignoraient où j'étais allée. Je n'en ressentis pas moins à leur vue un frisson d'horreur. Leurs traits étaient indiscernables, mais la démarche traînante, ramassée, était affreusement repoussante. Et pire que tout, je remarquai que l'une d'elles, vêtue d'une robe bizarre, portait à n'en pas douter une haute tiare dont le dessin ne m'était que trop familier. Tandis qu'elle se répandait dans la cour, je sentis redoubler mes craintes. Et si je ne trouvais aucune issue à ce bâtiment du côté de la rue ? L'odeur de poisson était détestable, et je m'étonnais de pouvoir la supporter sans défaillir. C'était un extrait du Cauchemar d'Innsmouth, lu par Jeanne Paravert, lu brillamment par Jeanne Paravert, qui m'aide à préparer cette émission. Et j'en profite pour dire que cette émission est réalisée, comme toujours, par Céline Hila, qui est là sur mon épaule en train de me dire « c'est trop long, c'est trop long !» Et également, à la technique aujourd'hui, Marie le peintre. Merci. Alex Nikolaevitch, alors, vous l'avez dit... Lovecraft est issu d'une vieille famille, bien installée, mais sans le sou. Il a toujours eu un rapport assez particulier à l'argent, parce qu'en fait, il ne le recherchait pas du tout. Ben, il estimait que l'argent, c'était sale. Donc, les problèmes d'argent amoindrissaient son travail. Le fait d'être payé pour ses œuvres lui permettait de vivre, mais il n'était pas non plus à négocier. Enfin, il était totalement incapable de négocier d'ailleurs. Et un certain nombre de ses amis s'en sont parfois chargés pour lui en disant « Mais là, t'es en train de te faire escroquer. » Et ont essayé de lui trouver du travail dans des domaines qui lui permettent de gagner sa croûte. Après, il lui est arrivé aussi de faire des révisions de textes pour d'autres amis auteurs. Et là, il était généralement un peu mieux payé. À moins qu'il refuse le paiement en estimant qu'il n'avait pas suffisamment fourni de travail dessus, qu'il n'y avait pas grand-chose à retoucher. Donc c'était, il avait un rapport un peu compliqué à l'argent. Et d'un autre côté, il a toujours couru après l'argent. On a un certain nombre de lettres où il demande à ses tantes de lui envoyer quelques dollars pour pouvoir payer son loyer, et puis pour pouvoir manger, notamment pendant la période new-yorkaise, où il se nourrit d'une demi-boîte de haricots par jour et d'une tranche de pain et d'une tranche de fromage. Et il a notamment travaillé pour Harry Houdini. Oui. Il a écrit pour lui. Alors, il y a à deux reprises, en fait. La première, c'est pour le pulp Weird Tales, le magazine dans lequel il publiait, où on lui demande de développer sur un mode un petit peu aventure, horreur, un incident qui est arrivé à Harry Houdini, qui est tombé dans un trou lors d'un voyage en Égypte. Et en fait, Lovecraft en fait une descente aux enfers avec des cultes secrets sous les pyramides. Le texte a eu plusieurs titres, mais notamment « Prisonnier des pharaons ». Donc ça donne un peu le ton. Et puis par la suite, Houdini l'a recontacté pour un bouquin qui n'était pour le coup pas une fiction, mais Houdini partageait une partie des idées de Lovecraft sur l'astrologie, notamment, et voulait faire un livre de démontage en règle de l'astrologie et des superstitions. Le problème, c'est que Houdini meurt alors qu'ils viennent de se mettre au travail. Enfin, ils se mettent au travail et 3 mois après, Houdini est tué au Canada. Et du coup, le projet tourne court. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur Weird Tales, parce que les auditeurs de Blockbuster ont déjà entendu parler s'ils ont écouté l'émission sur Conan et sur Robert E. Howard. Patrice Louinet, est-ce qu'on peut résumer rapidement ce qu'était Weird Tales ? Alors, Weird Tales, c'est donc un pulp magazine. Ah. Pulp magazine, ça veut dire, dans l'ensemble, sont des revues bon marché, populaires, qui étaient vendues entre 10 et 25 cents. Le numéro, qui était pour la plupart mensuel, et qui ont connu leur heure de gloire entre 1919 et la fin des années 30, on va dire, même si techniquement ils ont commencé avant. Il y a eu des centaines de titres qui ont été publiés dans tous les genres possibles et imaginables, et Weird Tales est le premier, ou le quasi-premier, à s'être consacré uniquement aux littératures d'imagination en général, donc le fantastique, l'horreur, la science-fiction, la fantasy qui est née véritablement, la fantasy américaine qui est née véritablement dans Weird Tales. Aujourd'hui, c'est une revue qui est auréolée d'une gloire certaine, mais à l'époque, c'était vraiment juste une publication de seconde zone qui a eu toute son existence et difficultés à pouvoir paraître, qui a arrêté de paraître plusieurs fois, qui est passé bimestriel. Donc c'était vraiment une revue qui a vivoté mais qui aujourd'hui est extrêmement connu des amateurs parce que c'est là que sont parus pour la première fois principalement Lovecraft, donc Howard aussi, et Clark Ashton Smith, qui est moins connu aujourd'hui, mais qui sont devenus des auteurs de légende. À l'époque, c'était pas du tout les auteurs vedettes du magazine. L'auteur préféré des lecteurs était Seabury Queen, qui a écrit 279 aventures, je crois, d'un détective de l'occulte bien oublié aujourd'hui, qui s'appelle Jules de Grandin. Voilà l'historique rapide de Weird Tales qui a cessé de paraître en 54. Et alors, c'est intéressant de souvenir que Lovecraft a commencé dans ce genre de magazine et aujourd'hui de feuilleter les pages magnifiques de François Béranger où vous illustrez un des contes de Lovecraft. Et justement, pour un illustrateur, comment quel est le niveau de difficulté pour transcrire un univers qui est souvent composé de divinités qu'on appelle les innommables, l'indescriptible, etc. etc. C'est justement un paradoxe qui doit être très, très compliqué à gérer pour un illustrateur. Oui, c'est la grande question. Comment illustrer l'indicible, l'indescriptible, par définition. En fait, pour moi, ça, c'est un faux problème. Lovecraft, finalement, décrit beaucoup. C'est un peu une légende, le côté indescriptible. En fait, c'est un effet de style chez lui, c'est un effet... très efficace au demeurant, mais on sait très bien en littérature que quand on dit qu'une chose est indescriptible, en fait on a déjà commencé à la décrire. Donc pour moi il y a deux, je verrais deux grandes catégories chez Lovecraft pour faire très très simple, deux grandes catégories de récits. Il y a les récits qui sont effectivement assez courts en général, plutôt précoces dans sa carrière et très poétiques, très fantasy onirique ou beaucoup dans la suggestion, où là effectivement c'est peut-être un peu casse-gueule d'essayer de l'illustrer, quoique à mon sens c'est pas complètement impossible. Et puis il y a les grandes nouvelles, les plus connues, L'Appel de Cthulhu, Les Montagnes Hallucinées, Le Cauchemar d'Innsmouth, etc. Ces grandes nouvelles... C'est sa période fruit de mer en fait. Tout à fait. Et ces grandes nouvelles, elles sont finalement extrêmement descriptives, parfois même trop. Certains passages des Montagnes Hallucinées, c'est presque une indigestion de détails. Quand il décrit les dissections des anciens dans le camp en Antarctique, on a 3-4 pages de description presque Jules Vernienne, dans le moindre détail des branchies, des systèmes circulatoires, respiratoires, etc. Mais d'ailleurs, pour les amateurs qui peuvent connaître The Thing de John Carpenter, on voit une influence, enfin une filiation directe avec ce récit. Ah ben c'est tout à fait clair. Et d'ailleurs, pour boucler la boucle, moi j'ai fait une référence directe à The Thing dans mon illustration des Montagnes Hallucinées, justement dans la scène de dissection où j'ai repris délibérément un cadrage de The Thing qui est vraiment iconique. Ouroboros, tout est lié. Ah mais tout à fait. C'est de toute façon, c'est presque un jeu dans ces auteurs-là. Quand on voit par exemple que d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un grand spécialiste de la vie de Lovecraft, mais il a découvert son intérêt pour le fantastique grâce à une version illustrée du Dit de vieux marin de Coleridge, illustré par Gustave Doré. Et il cite à la fin des Montagnes Hallucinées le cri qu'il entend, ce fameux Tekelili qu'on entend d'abord dans la cité, qu'il entend en explorant la cité dans les souterrains, et qui est en fait une référence à Arthur Gordon Pym, qui lui-même était une référence au Dit du vieux marin. Donc il y a cette espèce de filiation constante dans toute la littérature que je trouve amusante, et qui se prolonge aussi dans le cinéma avec The Thing. Et d'une certaine manière, je trouvais ça amusant de mettre ma petite pierre sur ce cairn, à cet édifice, quoi. Patrice Lunet, d'ailleurs, cet échange, je dirais, cet univers un peu commun que l'on se partage, cette filiation, c'est aussi quelque chose qui a été fait même littéralement entre auteurs de Weird Tales, c'est-à-dire que d'autres auteurs ont utilisé les créations de Lovecraft dans leurs propres récits. On peut même aller plus loin que ça, c'est Lovecraft qui a initié ce mouvement, qui a encouragé tous ses correspondants à aller emprunter des références à ses propres œuvres, et lui-même de son côté, aller référencer les œuvres de Clark Ashton Smith, de Frank Belknap Long et de Howard lui-même. Ils ont créé une sorte de petite coterie, et ce qui fait qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui étaient intrigués parce qu'ils se disaient, mais j'ai lu une nouvelle de quelqu'un, alors ça peut peut-être dans Weird Tales, qui n'était pas de Lovecraft, mais il mentionnait Cthulhu. Donc je me demande si ce Cthulhu, ou Hlulu, comme disait Lovecraft, ce n'était pas une véritable créature. Ça fait créature. Moins peur, hein, tout de suite. L'appel de Hlulu, c'est... L'appel de Hlulu fait beaucoup moins peur, je suis d'accord. Et je vais l'appeler comme ça, maintenant. Et en fait, on peut se demander si cette caractéristique de Lovecraft, il disait, allez prendre dans mes œuvres et moi je ferai pareil, c'est pas là qu'est né le fandom, tout simplement, avec cette idée d'encourager, d'avoir des références et des clins d'œil dont parlait... L'univers partagé. Voilà, l'univers partagé. Et on peut se demander, puisque le premier fanzine dans lequel donc le terme apparaît, et date de 1933, c'est quelques années après, dans lequel on va retrouver Lovecraft, on va retrouver Howard, Clark Ashton Smith, etc. Alex Nicolas. C'est des gens qui s'amusent beaucoup d'ailleurs, et en fait, c'est une caractéristique de Lovecraft qui n'est pas forcément apparente à première vue dans ses œuvres, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et il disait lui-même, un bon conte fantastique doit être créé et construit avec le sérieux d'un bon canular. Et donc, il s'amuse beaucoup de ça, et en fait... Quand le jeune Robert Bloch, l'auteur de Psychose, rentre dans la coterie, il publie dans les pages du Los Angeles Times, je crois, une petite annonce indiquant qu'il vend un exemplaire défraîchi de telle édition du Necronomicon, à tel point que ça inquiète d'autres auteurs. Il y a James Blish qui envoie une lettre catastrophée à Lovecraft en disant « Mais moi, je croyais que c'était une blague, le Necronomicon, et là, j'ai cette petite annonce ». Vous pouvez peut-être préciser aux gens ce qu'est le Necronomicon. Donc c'est un livre maudit écrit par le fameux Abdullah Azred et qui est une compilation de sorts, de rituels, d'histoires datant même d'avant l'homme et qui est une des la Bible en fait, une espèce de Bible infernale. Bible inversée. Voilà, c'est un livre dont la lecture peut rendre fou. On va continuer d'explorer la vie et l'œuvre de Lovecraft, mais pour le moment, on écoute Feu Chatterton avec Écran Total. Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran, d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant, très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes. J'étais où et quand derrière mon écran et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Sanglots de reptiles s'adressent aux sans dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles aux gémonies. C'est génial! On le lynche sur la place publique, on piétine le pacte civique. Ah, tu fais moi le malin, sanglot de reptile. Maintenant que t'es plus derrière ton écran, t'as vraiment pas l'air si grand. Essaye pas de t'enfuir avec tes talonnettes à 4000 poules qui servent plus à rien maintenant. Nous aussi on peut en faire des euros sur ton dos, ou jette des pièces comme sur les crocs. C'était Écran Total de Feu Chatterton, un album France Inter. Vous êtes bien sur France Inter. Blockbuster. Avec Frédéric Sigrist. Nous sommes toujours avec Alex Nikolavitch, Patrice Louinet et François Baranger pour parler de Lovecraft. Alors, H.P. Lovecraft a influencé un nombre incalculable d'artistes avec des écrits admirables. Cependant, certaines de ses positions politiques l'étaient beaucoup moins. Et le racisme de Lovecraft, on va pas se mentir, il y en a. Et on le comprend, ils aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. On ne peut pas nier la réalité du racisme de Lovecraft, ni simplement se contenter de le qualifier de typique pour son époque. Car il apparaît que l'auteur avait un point de vue très prononcé sur la chose. Il est par ailleurs inepte de nier l'influence de son racisme sur son œuvre. Lovecraft était un défenseur d'un ordre social rigide, hiérarchisé, rejetant viscéralement tout ce qui n'était pas WASP, l'acronyme de White Anglo-Saxon Protestant. Dans ses écrits, l'auteur associe couramment la vertu, l'intellect, la civilisation et la rationalité à la classe dominante WASP. Pour lui, les autres gens sont des idiots, des malfaisants et des corrompus. Un mauvais moment à passer. On vient d'entendre Alexis Le Rossignol, humoriste, camarade de la bande originale, lire des extraits de journalistes à l'occasion de la sortie de la série Lovecraft Country, qui a permis de revenir sur le racisme de Lovecraft. Alex Nikolavitch, c'est vrai que on dit souvent que c'était évidemment lié à l'époque, cette xénophobie, mais il s'est quand même engagé très très fort, même dans certaines de ses lettres. Il a une sorte d'admiration pour Mussolini, même Hitler ne lui déplaît pas non plus. Il y a certaines, en préparant cette émission, certains propos qu'il a pu tenir sur les Noirs ou les Juifs, je n'ai même pas pu les mettre dans la séquence troll parce que je me suis dit là, les gens, ils vont dire non, bah, j'arrête tout de suite d'écouter, ça va trop loin. C'est assez marqué. C'est absolument galopant, surtout d'ailleurs au début de sa vie. Après, ça évolue, pas beaucoup, mais un petit peu, notamment sous l'influence de Robert Howard. Il y a des lettres, il y a de très beaux échanges de lettres entre oui. Robert Howard et Lovecraft sur le sujet. Avec Robert Howard qui essaie de remettre les pendules à l'heure en disant mais les fascistes sont pas vos amis. Il sous-entend qu'effectivement si les fascistes passaient, des gens comme Howard, Lovecraft et leur bande seraient les premiers à brûler. Donc c'est mais effectivement il y a le racisme de sa classe sociale, mais sur lequel il pousse les potards surtout au départ très très loin. Il y a des textes, notamment de son épouse Sonia Green, qui montrent. Enfin, il est très mal à l'aise en présence de personnes de couleur noire, par exemple. Oui. Il y a un compte rendu de promenade dans le parc où il se retrouve vraiment loin de leur quartier et où il est, elle le décrit, en train de blêmir. Il est franchement mal à l'aise. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que sa période new-yorkaise, où il débarque à New York en détestant pas la ville, mais petit à petit, ça tourne pour lui au cauchemar parce qu'il est dans un quartier très cosmopolite. Et ça, c'est un vrai problème de l'œuvre de Lovecraft, et c'est quelque chose que souligne Houellebecq, sur lequel il met bien le doigt, c'est qu'effectivement, la peur de l'autre informe énormément. Alors, c'est pas la seule clé de lecture de l'œuvre de Lovecraft, mais dans un certain nombre de textes, c'est notamment dans Appel de Cthulhu, hein, les rituels vaudous. Oui, de Rouloulou. Les rituels vaudous dans le Bayou, c'est la description est très très limite. Et puis il y a des textes où il dépasse carrément où il mord sérieusement sur la ligne rouge, avec l'horreur à Red Hook, donc qui est le quartier où il vit à l'époque, et où il essaye de sublimer tout son mal-être dans un texte qui est pas son meilleur déjà, et qui est absolument épouvantable de ce point de vue-là. Après, sur la fin, c'est... Après, il faut aussi dire que il avait beau avoir des propos antisémites, il était marié avec Sonia Green, qui était juive. Et son meilleur ami à l'époque, Samuel Loveman, était juif et homosexuel. Ah, et donc il était déjà, on était déjà dans la rhétorique. Ah, mais j'ai un ami juif. C'était pas lui, il le vivait pas comme ça. Il a jamais utilisé cet argument d'ailleurs, mais il était assez paradoxal de ce point de vue-là. Il y avait aussi le côté, il était plus gêné par les signes extérieurs. On avait parlé il y a quelques années de signes ostentatoires, et ça, c'est quelque chose qui le gêne vraiment. Donc c'est très compliqué. C'est quelque chose qui d'ailleurs évolue à partir du moment où il le confronte au réel. Oui. Donc c'est parce que tant qu'il est dans cette Providence, c'est quand même assez provincial. Quand il se retrouve dans la grande ville, il lui faut digérer tout ça. Et effectivement, on sent... Alors, il meurt assez jeune, à 47 ans. Mais on sent que sur la dernière partie de sa carrière, ça évolue lentement, mais ça évolue vers un peu plus d'humanisme. Mais qui n'était pas du tout au départ. Enfin, tu pourras confirmer. Il évolue notamment sous l'influence d'un certain nombre de ses amis qui arrivent à le recadrer de ce point de vue-là. Et avec la confrontation au réel, quand il va à la Nouvelle-Orléans, notamment, c'est des choses où il apprend à évoluer. François Barranger, j'ai découvert Lovecraft tout jeune avec Le Cauchemar d'Innsmouth, et c'est vrai que cette dimension de la xénophobie de Lovecraft ne m'est pas apparue. Ça m'est arrivé il y a très peu de temps, justement, en retravaillant sur le personnage. Est-ce que vous, en tant qu'illustrateur, déjà, quand avez-vous découvert Lovecraft? Et surtout, est-ce que vous avez ressenti ça aussi au fur et à mesure, en passant beaucoup plus de temps que la moyenne avec lui? Moi, j'ai découvert Lovecraft, comme beaucoup de gens de ma génération, avec le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, dans les années 80. Et très honnêtement, quand je l'ai lu en étant adolescent, cet aspect de son style ne m'a pas frappé plus que ça, quoi. Parce qu'il faut quand même le dire, ça se ressent assez peu dans son écriture. Il y a quelques nouvelles qui sont identifiées, dont évidemment Horreur à Red Hook, qui est très très marqué du point de vue du racisme. Et après, c'est surtout quelques passages, en fait. C'est dans L'Appel de Cthulhu, notamment, on a quelques adjectifs un peu déplaisants, quelques qualificatifs, une ou deux phrases par-ci par-là, mais honnêtement, ça saute pas aux yeux plus que ça. Donc, d'un point de vue strictement, du point de vue de l'artiste, moi, je crois que c'est pas un gros problème. C'est-à-dire que si son racisme, si sa xénophobie était militante, si ça se ressentait dans son œuvre, là, j'aurais pas franchi le pas, je m'en serais pas intéressé à son œuvre et encore moins l'envie de l'illustrer. Si c'était un auteur encore vivant, qui professait, en dehors de son œuvre, qui par ailleurs est excellente, mais qui professait ses idées sur les ondes, à la télé, etc., je pourrais même pas m'y intéresser. C'est un auteur d'il y a un siècle. Franchement, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui, moi, m'a freiné. C'est vrai que, par contre, sur L'Appel de Cthulhu en particulier, comme il y a quand même des passages qui sont un petit peu dérangeants, j'ai insisté pour mettre une note en fin de livre auprès de l'éditeur, pour bien montrer qu'on a conscience de ce problème, qu'on veut pas l'éviter, on veut pas se cacher, se voiler la face, mais en même temps, ça doit pas empêcher d'apprécier l'œuvre, à mon sens. C'est ce vieux débat de doit-on séparer l'œuvre de l'artiste, ouais. Voilà, on y est toujours. Dans le cas de Lovecraft, moi, ça me gêne pas plus que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a conscience de ce racisme dans certaines nouvelles, et que, bon an, mal an, on essaie d'en faire abstraction, je vois pas tellement plus de racisme dans ses écrits, je parle pas de sa vie, hein, dans ses écrits littéraires, que par exemple chez Jules Verne. Oui, tout à fait. Quand on lit, moi je me souviens d'avoir lu, relu il n'y a pas très longtemps L'île mystérieuse. Dans L'île mystérieuse, on a donc un serviteur noir qui débarque sur l'île avec les héros blancs. Et à un moment donné, il tombe sur un orang-outan, je crois, ou un singe, enfin je ne sais plus très bien. Et il nous décrit que le serviteur noir devient le meilleur ami du singe. Ils s'entendent comme larron en foire, c'est... Quand on lit ça, c'est quand même assez dérangeant. Quoi. La Hergé a fait polémique pendant très longtemps aussi. C'est vrai que c'est difficile de juger les hommes d'une autre époque à l'aune de la morale d'aujourd'hui. Quoi. C'est quand même un peu complexe. Donc, encore une fois, pour conclure, moi, dans le cas de Lovecraft, dans la mesure où ça saute pas aux yeux dans ses nouvelles, ça me dérange pas plus que ça. Restons dans l'ésotérique avec Amethyste Kia, qui nous interprète Black Myself. Cause I'm black man. C'était Black Myself de Amethyst Kia dans l'émission Blockbuster consacrée à Lovecraft. Il y a des horreurs aux frontières de la vie que nous ne soupçonnons pas. Et de temps à autre, la funeste curiosité d'un homme les met à portée de nous nuire. Ephraim, à Zénath, les a appelées. Et elles ont englouti Edward comme elles menacent de m'engloutir. Puis-je être sûr d'être hors de danger? Ces puissances survivent à la mort du corps matériel. Le lendemain, dans l'après-midi, quand sorti de mon accablement, je fus capable de marcher et de parler de façon suivie, je suis allé à l'asile et je l'ai tué pour le bien d'Edward et du monde. Mais puis-je avoir quelques certitudes tant qu'il n'est pas incinéré? Il garde le corps pour de ridicules autopsies par différents médecins, mais je soutiens qu'il doit être incinéré. Il faut incinérer celui qui n'était pas Edward Derby quand j'ai tiré sur lui. Sinon je deviendrai fou, car je peux être le suivant. Mais ma volonté n'est pas sans défense, et je ne la laisserai pas miner par les terreurs qui, je le sais, bouillonnent autour d'elle. Une seule vie. Ephraim, Azénath, qui maintenant? Je ne veux pas être chassé de mon corps. Je ne veux pas. Extrait de H.P. Lovecraft, Le monstre sur le seuil. Il y a des petites victoires de la vie de tous les jours et ça, c'en est une, avoir fait lire à Tanguy Pastureau un extrait de Lovecraft voilà, sur France Inter, ça me fait plaisir. Alors, on parle évidemment d'une figure un petit peu polémique depuis le début, H.P. Lovecraft, mais il y a cette idée aussi que lui-même ne se définissait pas comme auteur. À chaque fois qu'on lui disait « vous êtes écrivain », il disait « non, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'un écrivain classique fait ». Il avait une forme de modestie ou de honte à s'assumer en tant qu'auteur. Ben, il était publié dans Weird Tales et c'était un peu une blessure pour lui parce qu'il a jamais été publié en volume, hormis, je crois que Barlow a fait une petite édition, mais à très faible tirage, en dur, de certains textes, mais sinon il était publié qu'en magazine. Donc c'était pas un vrai écrivain, d'à ses propres yeux il n'était pas un vrai écrivain parce qu'il n'était pas repris en livre. Donc ça c'était un vrai problème pour lui, et il faisait pas grand cas du lectorat de base de Weird Tales d'ailleurs. Il y a quelques textes, quelques lettres où il dit voilà, ce sont des semi-illettrés qui me lisent et j'ai l'impression de donner des perles aux cochons d'une certaine façon. Donc il y a ce côté-là, et d'ailleurs vous avez employé à plusieurs reprises le terme de conte, et c'est effectivement Tales le terme qu'il employait. Parce que pour lui c'était ça, il écrivait pas du roman, il écrivait des contes, des récits qui étaient pas sans valeur, mais qui étaient plus du domaine de la musette qu'autre chose. Donc il y avait cette espèce de modestie-là, tout en étant, il se définissait un peu comme une espèce d'artisan de ce point de vue-là. Et pas à la hauteur de Edgar Poe et enfin de ses idoles qui étaient Edgar Poe et Lord Dunsany. Edgar Poe était son idole, c'est-à-dire qu'il allait même se recueillir dans le même cimetière qu'Edgar Allan Poe. C'est à Providence. Oui, tout à fait. Pour retrouver l'inspiration. Et il le faisait visiter à ses amis d'ailleurs. Enfin, il y a un échange de lettres très connu. Je l'avais utilisé d'ailleurs pour ma bande dessinée. Où, après avoir emmené des amis en visite à Providence chez le meilleur glacier de la ville où il teste à peu près tous les parfums disponibles, il les emmène ensuite passer la nuit dans le cimetière préféré d'Edgar Poe pour retrouver l'inspiration. Donc oui, il y a ce côté qui pourrait être macabre et qui est en fait assez ludique toujours. Il y a toujours ce côté amusement chez lui qui est pas forcément non plus toujours visible. Ou alors dans des textes, enfin l'histoire du Necronomicon qui se présente comme une espèce de notice d'encyclopédie sur le livre maudit, qui est là pour le coup construit complètement comme un canular. On a l'impression d'avoir affaire à un vrai texte encyclopédique, alors que c'est une vaste blague. Donc il y a toujours cette espèce de fil là, enfin il est toujours sur ce fil là, entre le gag, il se prend pas toujours très au sérieux. Et c'est peut-être, ça fait peut-être partie de ses qualités rédemptrices d'ailleurs. Et justement, pour quelqu'un qui tomberait sur cette émission par hasard, il se dirait, bah tiens, j'ai envie de découvrir Lovecraft, par quel conte vous conseilleriez de commencer bah, Soit effectivement La couleur tombée du ciel ou L'appel de Cthulhu qui sont des très bonnes portes d'entrée, enfin de la couleur pour le style Lovecraft et puis L'appel de Cthulhu pour son univers. Ça me semble les deux plus évidents, mais après, tout le monde retombe un peu sur elle-même. Après, Les Montagnes Hallucinées, un texte que j'adore particulièrement, donc c'est métier là qui est plus long et peut-être un peu plus ardu. Oui, j'ai exactement la même analyse. Hein. Je pense que l'œuvre, la nouvelle qui résume le mieux l'essence de ce qu'est Lovecraft, c'est La couleur tombée du ciel, mais l'appel de Cthulhu est celle par laquelle on peut rentrer le mieux dans l'œuvre. François Barranger. Bon, je vais pas faire très original. La couleur tombée du ciel, c'est probablement son chef-d'œuvre. Après, l'appel de Cthulhu, elle a quand même c'est une nouvelle qui a une construction qui est absolument fascinante, qui est faite de récits enchâssés les uns dans les autres, de plusieurs flashbacks, il y a plusieurs niveaux de flashbacks, et elle est très courte, très nerveuse, très charpentée, et sous cet aspect-là, elle est très moderne. Les Montagnes Hallucinées, c'est un texte fabuleux pour l'univers et l'atmosphère qu'il dégage, mais qui est vraiment très long, et trop long peut-être par moment. Il y a beaucoup de répétitions, mais ça reste quand même un incontournable. Et après, je vais pas faire très original, mais il y a les deux grandes nouvelles les plus connues, après celles qu'on vient de citer, que sont L'Abomination de Dunwich et Le Cauchemar d'Innsmouth. C'est pas pour rien que ce sont les plus connues, c'est vraiment celles d'où se dégage une atmosphère très très marquante et très différente surtout. C'est-à-dire que c'est très varié d'une nouvelle à l'autre. Que ce soit dans L'Abomination de Dunwich ou dans Le Cauchemar d'Innsmouth, c'est deux récits qui se passent à peu près dans la même zone des États-Unis, mais qui dégagent une atmosphère extrêmement différente l'une de l'autre. Et la dernière que je pourrais citer, c'est une des plus courtes, qui est Le Molosse, qui, moi, je trouve, est la plus proche de son mentor putatif, qui était Edgar Poe, et qui est vraiment une nouvelle que je trouve magnifique, moi. Je suis d'accord. Et je suis d'accord aussi sur Le Cauchemar d'Innsmouth. Mais je ne sais pas si elle est vraiment bien ou si c'est parce que c'est la première que j'ai lue. Et Patrice Lunet ? Oui, on parle beaucoup d'Edgar Poe dans cette émission et je trouve que ce n'est pas vraiment l'auteur auquel je ferai référence. Je vais parler de Lovecraft. Pour moi, Lovecraft, c'est le digne hérité de Nathaniel Hawthorne, avant tout l'auteur de La Maison aux Sept Pignons et de La Lettre Écarlate. C'est un auteur qui s'est identifié à sa région, donc la Nouvelle-Angleterre, exactement comme Lovecraft. Lovecraft fait un éloge dithyrambique de Hawthorne dans plein de nouvelles, dans plein de lettres. Et c'est, pour moi, Lovecraft est la réincarnation littéraire de Hawthorne, à savoir « je suis ma région », et sur la tombe de Lovecraft, il y a écrit « I am Providence »,« je suis Providence ». Donc c'est vraiment faire unité entre « voici le pays », le pays qui décrit dans les deux nouvelles que tu viens de citer, François, et dans lequel il y a cette unité entre l'homme et la région qu'il a vu naître et grandir. Eh bien, je vous fais aveuglément confiance, Patrice Lunet, parce que là, je pourrais totalement faire semblant de savoir de qui vous parlez, mais je ne le connaissais absolument pas. Donc, je vais, régler ça et y remédier. Donc, il s'appelle Hawthorne, c'est ça, hein ? Nathaniel Hawthorne. H-A-W-T-H-O-R-N-E. Et le nom d'une de ses œuvres. La Lettre Écarlate, que tout le monde connaît, avec la Esther Prynne, que tout le monde connaît, ou presque, apparemment, désolé. Ouais, je suis dans le presque, hein. Vous pouvez passer dans le presque. Et Hawthorne était le descendant d'un des juges de Salem. Et c'est quelqu'un dont la famille portait justement l'empreinte de la culpabilité des générations passées. Cette empreinte et donc cet atavisme dont on parlait tout à l'heure et le fait que dans la famille il y a quelque chose à cacher qui est issu des générations antérieures. On retrouve ça chez Lovecraft. C'est noté. Alors là vraiment, là je suis première loge, j'ai noté. La prochaine fois, vous le direz jamais, bien sûr, au fond, la Lettre Écarlate. Évidemment. C'est la fin de cette émission. Alex Nikolaevitch, Patrice Louinet, François Barranger, merci d'avoir évoqué l'iconoclaste Lovecraft. Et surtout, j'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de découvrir les contes. Vous pouvez nous laisser un message, j'insiste, faites-le, hein, au 01 56 40 30 20, ou en parler sur la page Facebook de l'émission, ou sur Twitter, avec le hashtag BlockbusterFI. Et alors Lovecraft, il est absolument génial parce que c'est un homme qui a fait une œuvre qui a influencé toute la culture populaire moderne et qui n'a jamais connu le début d'un succès. Je me sentais très proche de ce personnage, de cet homme qui avait quelque chose de rassurant parce qu'on se disait on ne peut difficilement plus rater sa vie que lui. C'est-à-dire responsable d'une œuvre, mais de ne jamais voir qu'elle touche quiconque. Comme dirait Lovecraft lui-même, il y a quelque chose d'innommable là-dedans. France Inter.